Je veux qu'ils grandissent en acquérant de la substance et le sens des valeurs, et pas dans le clinquant de soi-disant privilèges. Peu importe que tu sois devenu riche, Gopal, avec moi, il aura une meilleure existence, une existence de qualité. C'est ce que sa mère aurait voulu. Ne la mêle pas à ça. Si, au contraire. Maintenant que son nom a été prononcé, parlons-en, parce que c'est elle qui est au cœur de tout ça. Nat se boucha les oreilles, incapable d'en entendre davantage. Cette fois, c'était trop. Non, non, pas sa mère. Cette semaine, Bollywood sera versus... Quand le jeune Harry est entré chez Fleury et Bott ce matin pour acheter mon autobiographie, moi, le magicien... Laquelle, entre parenthèses, fait actuellement sa 27e semaine en tête de la liste des best-sellers de la Gazette du Sorcier. Il ne se doutait pas qu'en fait, il repartirait avec la collection complète de mes ouvrages que je lui offre. Voilà ! Et bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Mélanie, bonjour aux auditeurs, bonjour aux auditrices. On est ravis de vous retrouver après ces vacances d'été. Alors pour vous, on ne vous a pas vraiment quitté puisqu'on avait enregistré en fait des épisodes à l'avance. Mais pour nous, ça fait un petit moment qu'on a fait une pause dans les podcasts et ça fait un peu drôle de revenir quand même. Oui, parce que ça fait à peu près un mois et demi. Donc là, on est un peu en mode, oh là là, comment ça marche déjà? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça. Bah, on espère en tout cas que vous avez passé de beaux mois d'été. Si vos vacances commencent seulement maintenant, eh bah, vous avez grave de la chance et on est très envieuse parce que pour nous, c'est la rentrée. Enfin, Mélanie, ça fait même depuis un petit moment qu'elle est retournée au boulot. Hélas. Toi, ça vient de recommencer. Ouais, voilà, c'est ça, on vient de reprendre. Et de la même façon, eh ben, écoutez, juste avant les vacances, on vous avait fait un épisode hors série sur nos lectures en lien avec l'Inde, dont deux que j'avais déjà lues et sur lesquelles on a pas mal discuté, et deux autres qui étaient en attente et qui allaient devenir nos lectures d'été. L'été est passé, nous avons lu, il est temps de faire un retour sur nos deux bouquins. Alors Mélanie, je te laisse nous rappeler le titre de ton ouvrage. Oui, alors moi c'était « Noces indiennes » de Sharon Mass. Et est-ce que tu veux nous lire la quatrième de couverture? Parce que depuis le temps, l'été est passé, on ne se souvient plus du tout de ce qu'est le résumé. Alors, à Madras, Savitri, la fille du cuisinier, et David, le fils du maître, jurent de s'aimer toujours en dépit de leurs parents qui veulent les séparer. Dans le Tamil Nadu, Nat quitte l'orphelinat, adopté par un médecin blanc qui l'aime et le protège de ses propres démons. En Guyane britannique, Saroj, une jeune fille rebelle, se révolte contre un père violent qui entend lui imposer un mari dont elle ne veut pas. En faisant se rencontrer ses personnages en quête d'identité, Sharon Mass tisse un magnifique et émouvant canevas dans lequel se mêlent trois époques, trois continents et trois histoires d'amour. Un grand roman indien plein de flammes et de couleurs. C'était donc très prometteur. Alors, pour vous donner une idée de comment va se dérouler cet épisode, donc là, on va attaquer avec le livre de Mélanie. On va démarrer avec une partie sans spoiler. Comme ça, ce sera plus pour vous donner un petit tour d'horizon et les ressentis, en fait, sur l'ouvrage en lui-même. Et on enchaînera ensuite sur mon livre, pareil, pour faire une partie sans spoiler. Et ensuite, on vous avertira qu'on va totalement passer en full spoiler. On va pouvoir débattre un peu plus du contenu du livre, de certains passages, etc. Donc, si jamais vous voulez vous préserver de l'intrigue et que vous voulez tenter de lire ces livres sans être trop spoilé, vous en faites pas, on vous préviendra et vous pourrez vous arrêter avant la fin de l'épisode. Exactement. Alors Mélanie, puisqu'on démarre avec ton livre, donne-nous ton ressenti sur cette lecture, comment ça s'est passé, est-ce que tu étais dans de bonnes conditions? Vas-y, dis-nous tout. Eh bien écoute, c'est vrai que, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, c'est un bouquin que j'avais trouvé dans une boîte à livres en me disant « Oh, je le lirai sûrement un jour » et tout ça, et ça faisait presque un an qu'il attendait désespérément que je le lise. Eh bien je regrette d'avoir attendu autant de temps pour le lire. J'avais très peur au début que ce soit cucu, que ça me plaise pas trop. Et au final, j'ai vraiment bien accroché au style de l'autrice. J'aime bien sa façon qu'elle a d'écrire en se mettant un petit peu dans la peau des personnages. Par exemple, enfin, au début du roman, les trois personnages sont des enfants et elle adopte le point de vue de l'enfant pour écrire en fait. Elle se met vraiment dans la peau des enfants et je trouve que c'est assez bien parce que comme ça on suit encore mieux l'évolution des personnages au fur et à mesure qu'ils grandissent. Bon, il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu chagrinée, mais ça j'en reparlerai dans la partie spoiler. Mais voilà, c'est un petit coup de cœur quand même et je pense que c'est un livre que je relirai éventuellement plus tard. Mais du coup, c'est super bien. Enfin, il n'y a rien de mieux que de se dire, bon, bah, je démarre un livre, j'en attends pas grand-chose, voire je suis un peu réticente. Et puis, en fait, c'est vraiment un coup de cœur et bah, c'est chouette. Et du coup, je me dis, heureusement que je t'ai un tout petit peu forcé la main. Mais surtout que quand je l'ai terminé, bah, j'étais triste. Et en général, chez moi, quand je termine un bouquin et que je suis triste, c'est très bon signe. Bah ouais, en général, quand tu veux pas que ça se termine, en fait, t'as envie de savoir la fin et en même temps, t'as pas envie parce que tu vas quitter en fait des personnages, tu vas quitter un univers et d'un seul coup, t'as vraiment l'impression de quitter des gens pour de vrai. Et bah, c'est vraiment le signe que là, le bouquin était super bien. Et du coup, c'est chouette de se dire que l'autrice, j'imagine que du coup, il y a une évolution dans l'écriture qui fait que tu sens les années passées et tu sens les étapes de la vie passées, c'est-à-dire genre enfance, adolescence, jeunesse et âge adulte. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Du coup, je trouve que c'est encore plus immersif en fait. Et ouais, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur. Je suis contente de la lecture. C'est quand même un petit pavé, hein, puisqu'il fait 570 pages, mais il se lit quand même super facilement, je trouve. Il est très abordable. Et enfin, voilà, ouais, comme je t'ai dit, j'étais triste quand j'ai terminé. J'étais en mode, oh, bah alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais lire? Ouais, t'es triste. Ça faisait super longtemps en fait que j'avais pas été triste en finissant un bouquin. Donc oui, c'est très bon signe. Et du coup, sur le résumé, on nous vend en fait en gros trois histoires. Bon, on se doute qu'elles vont être entremêlées. Est-ce que les trois histoires sont traitées à égalité? C'est-à-dire que est-ce qu'elles ont le même temps d'apparition? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire qui prend plus de place que les autres? Et puis, ça a l'air de partir un peu de trois endroits différents, un petit peu quand même, si j'ai bien retenu. Et du coup, est-ce qu'on explore vraiment un peu est-ce qu'on explore vraiment les trois histoires, quoi? Ouais, les trois histoires ont le même temps j'allais dire le même temps de parole, entre guillemets. Enfin, des fois, t'as des chapitres qui se suivent où ça peut être le même personnage, mais en général, l'autrice a essayé d'alterner entre les trois personnages pour les chapitres. Donc, tu vas voir, en fait, ça commence d'abord par Nat, ensuite t'as Savitri, ensuite t'as Saroj, ensuite t'as à nouveau Nat, ensuite Savitri, ensuite Saroj, etc. Au début, c'est comme ça. Après, tu vas avoir une alternance entre deux personnages et retrouver le troisième par la suite. Après, pour ce qui est des trois lieux explorés, en fait, bah, Savitri et Nat, c'est tous les deux en Inde. Il n'y a que Saroj qui fait exception puisque c'est en Guyane britannique. Mais voilà, ça te permet un petit peu d'explorer un petit peu la géographie de l'Inde. Enfin. Oui et non, parce que ça te donne des noms de lieux que tu connais, ça te donne un petit peu leur climat aussi, mais c'est pas ultra fouillé non plus, quoi. C'est pas non plus un voyage à travers l'Inde, c'est plus un voyage, je dirais, dans la tête des personnages et dans leur vie. D'accord, ok. Bon, bah écoute, pour ne pas en dire davantage, le mieux serait peut-être que tu nous lises un petit passage qui n'est pas bourré de spoilers, hein, on a bien fait attention. Donc, en tout cas, quelque chose pour nous, voilà, pour nous donner un petit peu envie. Alors, attends, je relis pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Non, ça devrait aller. Je suis à la piscine des Vingt Sertima, Baba. Trixie m'a prêté un maillot de bain et on voit ma peau. Il y a des garçons en chair et en os. Des garçons qui me voient à moitié nue, qui voient ma peau brune et dorée toute luisante d'eau, qui me regardent avec une lueur polissonne dans les yeux, qui me touchent à la dérobée, qui me sourient, se proposent de m'apprendre à nager en me tenant sous le ventre et rient de me voir barboter en vain. Des garçons qui me chuchotent à l'oreille, qui me glissent des petits mots en cachette, qui apparaissent soudain au coin de la rue, sur leur vélo, pour me faire un bout de conduite, qui jacassent, sourient et font les intéressants. Derek, Léo, Steve, Sandy qui passent devant la maison. Baba en faisant des signes discrets et en m'envoyant des baisers quand il me voit à la fenêtre de la tour. Des garçons noirs, Baba. Je leur plais, c'est certain. Tu es un imbécile, Baba. Ta fille te roule dans la farine et tu ne peux rien y faire puisque tu ne le sauras jamais. Oh oh, attends, mais c'est un passage genre petite rébellion là quand même. Ah oui, oui, oui, bon, j'arrive à parler. Je fais un mini spoil, mais ça concerne du coup le personnage de Saroj. Mais de toute façon, c'est très bien marqué à la quatrième de couverture, hein. C'est une jeune fille rebelle qui se révolte contre son père. Donc voilà. Ok. Ah mais ça donne trop envie. Moi, alors moi j'ai pas du tout lu ton bouquin, mais alors ce passage, bah écoute, il est très bien choisi parce que ça donne carrément envie de savoir son histoire et cette façon dont elle se rebelle et tout. Ouais, c'est hyper intriguant. N'est-ce pas? Eh ben écoute, on va enchaîner sur mon ouvrage. Allez, dis-nous tout. Donc, alors pour rappel, moi je lisais un livre de Abir Mukherjee qui s'appelle L'attaque du Calcutta Darjeeling et qui est le premier en fait d'une série autour d'un même en fait inspecteur par l'auteur. Donc celui-là c'était le tome 1 et je vais vous redire tout de suite en fait la quatrième de couverture de ce livre. 1919. La Grande Guerre vient de se terminer en Europe. Après cette parenthèse éprouvante, certains Britanniques espèrent retrouver fortune et grandeur dans les lointains pays de l'Empire, et tout particulièrement en Inde. Ancien de Scotland Yard, le capitaine Wyndham débarque à Calcutta et découvre que la ville possède toutes les qualités requises pour tuer un Britannique. Chaleur moite, eau frelatée, insectes pernicieux et surtout, bien plus redoutable, la haine croissante des indigènes envers les colons. Est-ce cette haine qui a conduit à l'assassinat d'un haut fonctionnaire dans une ruelle malfamée, à proximité d'un bordel? C'est ce que va tenter de découvrir Wyndham, épaulé par un officier indien, le sergent Banerjee. De fumerie d'opium en villa coloniale, du bureau du vice-gouverneur au wagon d'un train postal, il lui faudra déployer tout son talent de déduction et avaler quelques couleuvres avant de réussir à démêler cet imbroglio infernal. Donc voilà, c'était la promesse de l'attaque du Calcutta Darjeeling. Donc moi, ça me donnait carrément envie parce qu'on est en période de Raj britannique. On nous fait comprendre qu'il y a quand même une montée croissante de la colère et du rejet des Indiens envers les Britanniques. On me parle d'un train du Calcutta Darjeeling. Bref, ça donnait envie. Et malheureusement, c'est la déception. Ah. Alors, du coup, tout le monde va penser que je suis toujours extrêmement chiante puisque je ne fais que râler. Mais je ne sais pas. Alors, après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc, ne vous fiez pas qu'à moi. Si ça vous donne envie, n'hésitez pas à aller le lire et peut-être que vous aurez un tout autre avis. Mais en fait, encore une fois, j'ai trouvé que c'était des belles promesses pour pas vraiment grand-chose. Alors, spoil qui n'est pas vraiment un spoil, je ne comprends pas le titre. Ah, bah déjà ça c'est embêtant, c'est un peu comme La fiancée de Bombay. Hein. Mais exactement, en fait j'ai l'impression que, de toute façon, enfin après c'est trop tard, c'est qu'une fois que tu l'as lu, mais un bouquin dont le titre finalement ne reflète pas le contenu du bouquin, bah tu sais que ça va mal se passer. Et moi, pendant toute ma lecture, j'étais là, mais à quel moment on nous parle de l'attaque du Calcutta Darjeeling? Et en fait, en plus, on nous en parle dans la quatrième de couverture, hein. On nous dit quand même qu'il y a une attaque des wagons d'un train postal. Alors oui, ça arrive à genre plus de la moitié du livre, ça dure 2 minutes, ça ne revient jamais et ça n'a aucun intérêt dans l'intrigue. Comment vous dire que ça ne va pas du tout? Mais t'as vraiment pas de chance toi avec tes bouquins. Bah ouais, et en fait c'est... Alors du coup, il faut pas que je spoil trop, mais mon problème c'est que j'attendais qu'il se passe quelque chose, j'attendais qu'il y ait de l'action. Et en fait, il n'y a jamais vraiment d'action. Ou alors, il y a des événements, il se passe des choses. Bon, c'est un inspecteur, donc vous vous doutez bien qu'il fait une enquête, qu'il doit passer de lieu en lieu. Mais tout, j'avais l'impression que tout se faisait à une telle lenteur que finalement, on n'est pas happé dedans. Moi, ce que j'aime dans une enquête policière, c'est avoir des indices, c'est avoir des idées de suspect, c'est... Il y a ce côté suspense quand même, cette envie de découvrir la chose. Enfin, on a... c'est haletant. Et là, c'était pas haletant du tout. Tu disais, il avance, il va là, il rentre chez lui, il va là. C'était ennuyeux. Et alors, en plus, alors je sais pas si c'est la fatigue de mon boulot et tout, mais ou si c'est parce qu'à chaque fois que je voulais lire, je lisais après la piscine. Mais je vous jure qu'à chaque fois que j'ai lu, je me suis endormie sur le bouquin. Mais tu sais à quoi ça me fait penser, en fait, la façon dont tu le décris, à Origine de Dan Brown. Ouais, mais Origine, c'était pire parce qu'on te teasait une révélation de fou, on te faisait traîner en longueur et on te répétait la même chose de page en page et t'attends, et à la fin, il n'y a rien, ça tombe comme un soufflet. Mais en fait, là, c'était... Bah, en vrai, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que... C'est un peu vide. Alors, c'est pas vide comme La fiancée de Bombay, où vraiment, là, c'était vide, il se passait rien, et on était presque plus proche d'Origine de Dan Brown. Là, il se passe des trucs, mais c'est pas palpitant du tout. Tu suis le truc, mais tu fais, quand est-ce qu'il se passe quelque chose, quoi. D'accord. Bon. C'est con, parce que je me doute que pendant tes vacances, t'aurais aimé avoir une bonne lecture et tout ça, pour te distraire, pour te détendre, et puis... Bah ouais, carrément, parce que, pour vous donner une idée, l'an dernier, donc à mes dernières vacances, j'étais partie avec La fiancée de Bombay et mon autre bouquin, donc Women of the Raj, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, et j'avais lu chacun d'entre eux en l'espace d'une semaine. Et là, il m'a fallu 2 semaines et demie pour lire ce livre. J'ai galéré. C'est-à-dire que je m'ennuyais et j'avançais très lentement et je le reprenais tous les jours. Mais comme il avait un effet soporifique sur moi, j'avançais lentement et puis je le reprenais. Mais je me disais juste parce que c'est parce qu'il faut le finir et que je déteste ne pas finir un livre. Mais vraiment, j'étais là, la tristesse. Alors du coup, je développerai un peu plus ce qui est ennuyeux dans l'intrigue, dans la partie spoiler. Là, j'en dis pas plus, mais du coup, ça vous donnera pas spécialement envie. Mais bon, allez-y. Ne comptez pas que sur moi, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que vous, ça vous inspirera. Il faut pas s'arrêter sur un seul avis. Mais bon, voilà, moi, c'est le mien. C'est mal tombé. Et vraiment, en fait, en plus, le pire, c'est que je me tâte a quand même un jour tenté, par exemple, le deuxième, en me disant c'est son premier, peut-être qu'il était un peu tiède, et que du coup, sur un deuxième livre, l'auteur aura plus d'aisance, ou aura fait des trucs un peu plus palpitants, parce que, dans le fond, j'aime bien cette ambiance, j'aime bien l'ambiance qui a été déployée, là, dans Calcutta, etc., et donc j'ai un peu envie de laisser une chance à la suite de la saga, en me disant, peut-être que le premier est pas top, mais que la suite est mieux. Ah oui, peut-être. Mais t'as vraiment pas de chance, toi. En fait, je sens que quand même que ce sera ta dernière lecture indienne parce que tu vas t'emballer pour un autre et puis au final, tu vas être déçu. Non, je vais compter sur toi. Je vais t'emprunter Noce indienne. Ah oui, mais si je te spoil tout aussi... J'oublierai d'ici là, j'oublierai. J'oublierai, ok. Et puis bon, c'est un peu, je sais pas, regarde les gens qui ont vu les films Harry Potter, ce ne sera jamais à la hauteur de la lecture des livres. Tu peux avoir l'impression de connaître un univers, et puis en fait, quand tu le relis, ou même moi, quand je connais l'univers, etc., mais les livres, je ne les avais pas lus depuis 10 ans, et quand je suis retombée dedans, j'avais l'impression de tout redécouvrir, et c'était finalement bien. Donc même si tu me spoiles sur la suite, je ne connaîtrais pas autant, et je ne serais pas autant attachée que si je lisais ligne après ligne, et que je rentrais dedans comme toi, tu es rentrée dedans. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors du coup, je vais quand même vous lire un petit passage qui ne spoile pas trop. Et je l'ai choisi, vous verrez, parce qu'il fait écho à ce dont on avait discuté quand j'avais parlé du livre Women of the Raj et de la condition féminine et des Anglaises qui arrivent en Inde. Un très grand nombre de jeunes femmes pâles sont assises avec des hommes qui paraissent 2 fois plus âgés qu'elles. J'en fais la remarque à Annie. C'est l'équipage de ce que nous appelons la flotte de pêche. Elle rit. Chaque année, des bateaux entiers de jeunes Anglaises à la peau couleur de navet arrivent en quête de mari. Il en vient depuis des années, mais il y en a beaucoup plus depuis la guerre. C'est compréhensible. Le système fonctionne assez bien, poursuit Annie en buvant une gorgée. Elle garde son verre en main et le balance légèrement pour accompagner son propos. Il arrive quelque chose aux jolies anglaises quand elles atteignent 25 ans. Elles ont peur d'être laissées pour compte. Alors, elles prennent le bateau et viennent en Inde où il y a des milliers de sahibs, privés du réconfort d'un foyer et prêts à épouser la première rose anglaise qu'ils rencontrent. Peu importe qu'elle soit vilaine ou bizarre, elle trouvera un mari ici, si elle a un bon pédigré. Ce sont les hommes que je plains, en particulier dans la fonction publique. On attend de ces pauvres diables qu'ils vivent comme des moines. Il est encore mal vu qu'ils se marient avant 30 ans. Et épouser une non-blanche serait fatal à leur carrière. Le ton s'est fait dur, soutenu par ce qui ressemble à l'amertume de toute une vie. Le vin lui a délié la langue. Le flirt occasionnel peut être toléré, mais le mariage, que nenni. Voilà. Eh ben, bah, dit comme ça, ça pourrait donner envie, hein, mais bon, vu que tout ce que tu as déjà dit... Ah oui, et alors un truc que j'ai oublié de noter, je sais pas si c'est un problème de traduction ou quoi, j'ai eu un problème avec la ponctuation dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où pour moi, il y avait plein de tournures de phrases où pour moi, il manquait de la ponctuation et notamment des virgules. Et du coup, c'était extrêmement perturbant de lire une phrase et de me dire, mais là, normalement, il devrait y avoir une respiration, il devrait y avoir une virgule. Et du coup, je trouvais que ça aidait pas à rendre la lecture agréable. Ah, non mais je comprends parce qu'il y a, quelques mois de ça, j'ai eu un bouquin aussi où il y avait des gros problèmes de ponctuation, c'est-à-dire que l'auteur, quasiment chacun des dialogues des personnages, mettait des points de ponctuation partout. Donc c'est comme si tous les personnages y parlaient en saccadé et c'était hyper désagréable à lire. Des points de suspension, tu veux dire ? Ah, j'ai dit quoi ? Des points de ponctuation. Ah ! Oui, des points de suspension, pardon. Mais bref, donc je comprends, je comprends. Ok. Bon, eh ben écoutez, on en a fini avec la partie sans spoiler. Si vous voulez en rester là, c'est le moment de nous quitter, même si, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas quand même à faire un petit tour sur l'Insta, Bollywood-du-bas versus, ou nous laisser des petits commentaires sur iTunes, tout ça, ça nous fera plaisir, ou un petit mail, bollywoodversus@gmail.com. Et pour les autres qui voudraient qu'on leur spoil totalement, les ouvrages, eh ben, restez, on va pouvoir attaquer, et je pense qu'on va démarrer, aller par le mien pour reprendre le flambeau, puisque comme de toute façon le mien n'est pas terrible, comme ça, si vous êtes spoilé sur un truc pas terrible, c'est pas très grave, et vous pourrez vous enfuir si vous voulez pas être spoilé sur le bouquin qui est bien de Mélanie. Allez, puis que je sens que tu as besoin d'extérioriser un petit peu tout ça, donc vas-y, vas-y. Non mais ça va, ça ne m'a pas pourri mes vacances non plus, faut pas exagérer. Hein. Vous avez vu, j'étais très bien installée hein, pour les vacances. Alors, donc du coup, donc effectivement, on a cet inspecteur qui s'appelle l'inspecteur Widam, donc il a fait la guerre, il arrive en Inde, bon, parce qu'il faut arriver, il arrive à Calcutta. Ce qui est bien quand même, il faut le dire, c'est que tu sens l'ambiance quand même de Calcutta, tu ressens... Alors, on l'avait dit, il y a pas mal de termes en hindi, donc ça permet d'être dedans, de voir un peu de vocabulaire, tu ressens la moiteur, la chaleur, ça te décrit assez bien quand même les lieux, les décors, donc t'arrives à être dans l'ambiance. Mais après, l'histoire, c'est que... En gros, il y a un haut placé britannique qui est retrouvé assassiné dans une ruelle sombre avec un message dans la bouche en hindi qui dit en gros « mort aux colons, cassez-vous ». Et donc forcément, c'est un petit peu tendax. Et cet inspecteur, en plus, il n'est pas parfait puisque à cause de la guerre, tout ça, il a des petits penchants pour la drogue, donc c'est un drogué, il va dans les quartiers pour fumer de l'opium, c'est... Bon, c'est pas un niveau de Sherlock hein, quand même, Sherlock aussi il aime bien faire ça, mais Sherlock c'est un autre style. Et puis, il va rencontrer, donc pour le coup, comment une anglo-indienne, donc une métisse indienne britannique. Donc c'est effectivement le passage que j'ai lu, ça lui permet de parler un petit peu de son statut à elle, qui fait qu'elle n'est finalement appréciée dans aucune des communautés. Mais le problème, c'est que, alors je sais bien que c'est une époque, on est dans les années 20, mais en fait, je me suis dit, est-ce qu'elle va servir à quelque chose, cette fille? Et cette fille ne sert à rien. C'est juste une protagoniste qui est là, qui de temps en temps va parler. Elle sert surtout à faire dire, parce que là, on est placé du point de vue interne, hein, tout est écrit à la première personne du point de vue interne de cet inspecteur, enfin de ce commissaire d'ailleurs, je sais plus ce qu'il est. Bref. Et la plupart du temps, il va surtout penser « Oh là là, elle a des jolies jambes. Oh là là, j'irai bien avec elle. Oh là, c'est tout de suite plus agréable hein, quand c'est elle qui me le dit. » Et j'étais là « Non. » Et je me suis dit « Bon, est-ce qu'elle est juste là pour faire comprendre qu'il la kiffe bien ?» Alors, elle est un peu intéressante, elle échange un peu avec lui. Moi, j'attendais vraiment un plot twist où genre, c'était elle la méchante. Non, non, c'est juste une meuf qui va pécho et qui est sympa avec lui. J'ai fait « Bon, ok. » Donc ça déjà c'était bof. Et le truc qui m'a trop déçu, c'est que on nous vend donc cet inspecteur britannique et qu'il va être en partenariat avec un inspecteur indien qui s'appelle Banerjee. Moi je me suis dit OK, on va être dans une ambiance Sherlock et Watson, ils vont travailler ensemble, Banerjee va pouvoir montrer ses talents, que c'est un bon officier aussi, il va pouvoir être utile à l'enquête. Bah non. Le mec ne sert à pas grand-chose. Il n'a pas spécialement de personnalité. Il n'est pas spécialement présent. Il n'a pas de répondant. Il ne fait pas vraiment avancer l'enquête. Il sert en gros juste un peu à ce que Windham ne soit pas le seul à parler et à avoir des réflexions. Mais sinon, c'est totalement un personnage secondaire. Et je me suis dit... Putain, mais ça fait chier, on nous a tout mis sur un... On a tout centré sur un personnage britannique, alors que c'était l'occasion de nous faire un super duo, de mettre un indien en avant et tout. Et il n'y a même pas ce côté ping-pong répondant Sherlock Watson, ou je sais pas, n'importe quel duo iconique, Rouletabille et puis son pote, là, dans le Mystère de la Chambre jaune, c'est Sinclair, je crois. Rouletabille et Sinclair. Mais non, t'as même pas cette dynamique, il est juste là. Ouais. Effectivement. C'est ouais. Et puis, alors donc du coup, en fait, je pense qu'on essaye de nous faire croire à des fausses pistes. Donc on essaie de nous diriger sur cette attaque d'un train postal en nous disant que bah, c'est peut-être des terroristes qui ont fait le coup. Qui ont détourné en fait un train, ils voulaient prendre de l'argent pour ensuite acheter des armes, etc., pour mener une rébellion. Et puis après, on nous emmène ailleurs, on nous emmène sur un haut fonctionnaire qui peut-être aurait essayé de dissimuler qu'il commandait des prostituées, tout ça et tout. Et en fait, c'est rien de tout ça. On nous montre tout un truc. Et du coup, je vais vous lire un passage. C'est d'ailleurs le passage que j'ai pris. C'est qu'en gros, on suit les pensées de cet inspecteur. Et quand il arrive à ce moment où on se dit « Tiens, ça va être un point culminant », il va dérouler toute sa théorie en disant « Mais je sais ce qui s'est passé ». Et là, il y a le méchant qui, en gros, le regarde et lui fait « Bah, en fait, non, c'est pas ça. Ah » Et donc, tu te dis tout le long, ce mec, mais pourquoi il est inspecteur, en fait? D'accord. Et je me suis dit, bon, bah... Ouais, non, c'est spécial. Mais attendez, je vais vous lire ce passage. Pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi tuer la fille? Les ordres, mon cher. Il y avait une chance qu'elle en sache plus qu'elle ne vous avait dit. Et Macaulay? Était-ce aussi les ordres? Combien exactement Buchan vous a-t-il payé? Assez pour que vous preniez votre retraite? Le visage de Digby est déformé par la haine. Il ressemble à une gargouille du Moyen-Âge. Puis il rit. C'est ça votre interprétation? Avec toutes vos célèbres qualités de détective, c'est ça votre conclusion? Bon Dieu, oui dame. Je vous ai accordé trop de crédit. Vous êtes censé être le meilleur de Scotland Yard, mais vous ne pourriez pas trouver votre cul s'il n'était pas dans votre caleçon. Je voudrais que Taggart puisse vous voir en ce moment. Son petit singe chavant, tellement sûr de lui, mais qui n'a pas un début d'idée. Il me regarde avec pitié. « Butchan n'a rien à voir là-dedans, » dit-il. « Allons donc. Je suis au courant de l'avortement raté, de la mort de la fille, Parvati, et de l'effet qu'elle a eu sur ma colie. « Et que savez-vous l'autre, capitaine ?» demande-t-il sarcastique. Je sais qu'il allait tout dire. C'est ce qu'il voulait annoncer à Butchan le soir où il a été assassiné. Et si Butchan redoutait le scandale d'un enfant illégitime vivant, alors que Macaulay fasse courir le bruit d'un enfant mort, aurait été insupportable pour lui. C'est pourquoi il vous a ordonné de le tuer. Digby rit et secoue la tête. Vous êtes vraiment un imbécile, n'est-ce pas, Widam ? Croyez-moi, Butchan n'y est pour rien. C'est pas la meilleure confrontation, ça ! Oh putain ! Ah, c'était bien la peine de suivre cet inspecteur pendant 397 pages pour qu'à la fin, il lui dise « Alors en fait, tout ce que t'as fait depuis le début, c'était faux. » Bah super, mais c'est quoi cet inspecteur de merde en fait ? Bah je sais pas, mais c'est pas Hercule Poirot. Hein. Ah ça, personne ne peut l'égaler celui-là. D'accord, mais c'est... En fait, du coup, quand tu lis ça et quand t'arrives à cette conclusion-là, t'as pas juste l'impression que le bouquin est inutile ? Bah si, totalement. C'est-à-dire que tout le long, tu sens bien qu'on essaie de nous tirer à droite, à gauche, et puis tu te dis, bon, quand même, à la fin, il va y avoir une révélation, il va y avoir un truc de fou, ou au moins, je me disais, allez, au moins, dis-moi que t'as trouvé la solution. Je veux dire, t'es inspecteur, t'as mené une enquête et tout. Et non, t'arrives devant un protagoniste qui te dit, ah bah en fait, t'as rien compris, t'as rien trouvé. Et qui va te sortir une réponse. Et là, tu te dis, mais en fait, mon mec, mais t'as totalement mal écrit ton livre. C'est-à-dire que normalement, t'es censé distiller des infos, des indices au cours de ta lecture, ou au moins faire un effet waouh en disant, ah mais oui, c'est lié à ça et tout. Et pas du tout. Là, tu te dis, mais en fait, elle servait à quoi ton histoire ? Bah, en fait, je pense qu'il a voulu faire un espèce de retournement de situation totalement inattendu, et puis, bah, au final, il s'est foiré, quoi. Bah ouais, mais le problème, c'est que cet inspecteur-là, je veux dire, c'est pas un Hercule Poirot, c'est pas un Sherlock, tu peux pas avoir cette satisfaction en tant que lecteur de te dire « Ah, le plus grand détective, pour une fois, il s'est planté. Lui, c'est personne, c'est son premier livre. » Donc tu te dis juste « Bah, en fait, t'es un pignouf, mec. T'es nul. Pourquoi je t'ai suivi dans cette aventure alors que tu es nul ? Tu sers à rien. Voilà, c'est la conclusion de l'attaque du Karel Kuta Darjeeling. D'accord, ok. Bon, bah avec une telle conclusion, ça donne pas vraiment envie de le lire. Non, mais bon, après, je vous dis, je pense que quand même, je laisserai sa chance une deuxième fois et on verra. Bon, mais au bout de deux fois, si ça va pas, je ne suis pas maso, je ne vais pas persévérer. Oui, oui, et après, au bout d'un moment, tu dis, bon, ok, le gars ne sait pas écrire, quoi. Ouais, ou en tout cas, il ne me correspond pas, quoi. Mm-hmm. Bon, bah, j'espère que ta prochaine lecture relèvera un petit peu le niveau, hein, écoute. Je l'espère aussi. Bien, et toi maintenant ? Et si tu nous en disais plus sur Noce indienne ? Alors, par où commencer ? En fait, c'est pas évident de spoiler un bouquin où t'as trois personnages qui vivent chacun dans un endroit différent, qui ont chacun une histoire différente. En fait, déjà, je vais commencer par vous dire qu'ils sont tous les trois liés. Mais bon, ça, tu t'en doutes direct, en fait, c'est un petit peu prévisible. On va commencer par... est-ce qu'on ne dirait pas dans l'ordre chronologique ? Bon, on va commencer par l'ordre chronologique, en fait, ce sera beaucoup plus simple. Donc, je vais tout spoiler, attention. En fait, on va commencer par Savitri, dans les années 20. Donc, elle habite à Madras. Et elle est amoureuse du fils du maître, qui s'appelle David. Simplement, vu que lui, c'est un Anglais et elle, une Indienne, leur amour est impossible, tout comme Roméo et Juliette. Et notamment, il y a son grand frère Mani, le grand frère de Savitri, qui va tout faire pour les séparer. Parce qu'il est très jaloux, parce que quand il était petit, sa mère s'est trouvée enceinte de Savitri, et la femme anglaise s'est trouvée au même moment enceinte de David. Et vu qu'elle n'avait pas assez de lait, la maman de Savitri et de Mani est devenue la nourrice. De David, et il a pas supporté que sa mère joue les nourrices pour des Anglais, donc il va tout faire pour les séparer, notamment lui trouver un mari assez jeune. Mais vu que ça choque beaucoup la mère de David, en gros, elle va dire: Ah bah non, je lui promets une dot exceptionnelle si elle se marie après, enfin, au moment de ses 18 ans. Attends, je rentre beaucoup trop dans les détails là, ça va pas, désolé. Ça va être très vite si je continue Mais comme attends, mais ça. du coup, je suis un peu étonnée parce que la famille anglaise, elle se sent proche de la famille indienne. Bah oui, en fait. Parce que Bah, je comprends bien que la mère, en gros, a été une sorte d'Aya, hein, c'est le nom, oui, c'est le c'était terme. une aïe, oui. Et ouais, ils arrivent à les considérer presque comme des proches et tout pour s'intéresser aux sœurs de la fille, parce qu'ils pourraient se dire, bah, je m'en fiche. Enfin, c'est culturel de marier les enfants très jeunes, même chez les Britanniques d'ailleurs encore dans les années 20, mais encore plus en Inde. Et du coup, ils s'en mêlent. C'est un peu. Bah non, là ils sont assez proches en fait. Et la mère de David, là ça se passe dans les années 20 aussi, tu vois. Mais la mère de David, ouais, est quand même assez proche de la gamine, elle l'adore en fait. En D'accord. fait, c'est la seule fille, en fait, c'est la seule fille aussi du couple d'Indiens qui est à leur service. Ouais, ah oui, Savitri, en fait, elle a quatre frères: Mani, Gopal, Natesan et Narayan. Alors, Natesan et Narayan, on n'entendra plus parler, quasiment. C'est surtout Mani et Gopal qui comptent, en gros. Et ce qui est marrant, c'est que Gopal, lui, il va tomber amoureux de Fiona, la sœur de David, et ça va être réciproque. Oh là là, donc on se retrouve avec deux enfants d'une famille qui tombent amoureux des deux autres enfants de l'autre famille. C'est ça. Et en fait, Fiona et Gopal vont tenter de s'enfuir pour se marier, sauf qu'ils sont rattrapés. Fiona, du coup, est renvoyée en Angleterre pour refaire ses études, puis pour l'éloigner de Gopal, qui lui décide de partir à Bombay, en fait. Parce que c'était encore Bombay, là. Et en fait, le gars, il veut travailler dans le cinéma indien. Enfin, oui, indien, c'est logique, mais il veut travailler dans le cinéma. Et moi, j'étais tout de suite en mode, allez, vas-y, tu vas nous faire un truc à la Bollywood, gars, mais bon, même pas. Ah, il va nous faire une Rangoon. C'est ça. Mais en gros, bah, ils vont grandir petit à petit, sauf que David va devoir aller en Angleterre pour poursuivre ses études. Et il reviendra qu'à ses 17 ans. Et quand il va revoir Savitri, il va se rendre compte qu'il l'a jamais oubliée, qu'il l'a toujours aimée. Et elle, c'est réciproque d'ailleurs. Parce qu'elle, elle lui avait envoyé des lettres quand il était parti en Angleterre, sauf qu'il les a jamais reçues, parce que sa mère a fait exprès de ne pas les envoyer pour les séparer. Parce qu'elle les avait entendus se dire qu'ils s'aimaient, qu'ils voulaient se marier quand ils étaient petits. Ça l'a complètement traumatisée. Traumatisée, pardon. En fait, tu sens qu'elle aime bien Savitri, qu'elle aime bien les Indiens, mais jusqu'à un certain point, quoi. C'est genre, ah, oh, je t'aime bien, mais si tu veux épouser mon fils, c'est juste mort, meuf. Tu t'approches pas de mon gamin. Allez hop, David, tu vas en Angleterre faire des études de médecine. On t'éloigne au maximum de cette Indienne qui veut te prendre dans ses filets, alors que c'est qu'une gamine de 10 ans, mais bref. Ouais, enfin, vu le contexte historique, c'est pas vraiment étonnant quand même. Non, non, non, c'est pas étonnant. Et en gros, si tu veux, quand David revient à 17 ans, donc il retombe amoureux, et il dit un soir à Savitri: Allez, viens, je t'emmène, on va fuir tous les deux. Viens, je Je t'emmène. t'emmène. Et en fait, il veut la cacher chez leur ancien précepteur, parce que Savitri a quand même eu la chance de recevoir l'éducation d'un précepteur anglais que sa mère avait engagé pour David, donc ce qui fait qu'elle, elle parle anglais couramment, David parle tamoul couramment aussi. Et en gros, il va dire à son ancien précepteur: S'il te plaît, tu vas cacher Savitri pendant quelques années, le temps que moi je finisse mes études de médecine. Quand je reviens en Inde, on se mariera ensemble. Et t'as le précepteur qui est en mode: Attends, tu veux que je la cache pendant genre 4-5 ans ici? Tu crois pas que quelqu'un va se douter qu'elle est partie, qu'il va y avoir quelque chose, que personne va la chercher Ouais, ça va tranquille. En plus, le mec il dit ça, mais t'imagines, il revient jamais et le précepteur il continue de garder la nana chez lui. C'est bien gentil, mais entre C'est deux, ça. t'imagines, il est tombé amoureux de, je sais pas moi, de Bernadette là, et puis il revient jamais. Et au final, bah, le lendemain matin, quand on s'est aperçu de la disparition de Savitri, il y a toute sa famille qui la recherche et elle est retrouvée très vite. Et le problème, c'est que Mani, donc son grand frère, a très mal pris que David essaye d'enlever sa sœur et la souille en quelque sorte. Donc avec son petit groupe d'extrémistes, en pleine nuit, il va dans la baraque des Anglais. Et il va kidnapper la maman de David et sa sœur Fiona, qui est revenue en Inde entre-temps. Et bah, ils vont les attacher et les violer, le tout sous les yeux du père de David. Donc là, tu vois ça, t'es... Ah oui, d'accord. Juste pour venger, en gros, l'honneur de sa sœur qui a été enlevée, genre, pendant une nuit par un Anglais, quoi. Ouais, ok, je vois. Et là, t'es... Ah oui, d'accord. Donc le monsieur, faut pas le contrarier, il aime vraiment pas les Anglais. Et au final, bah, sa vitrée se retrouve mariée avec un veuf qui doit avoir genre une quarantaine d'années, qui est un homme, ma foi, fort sympathique, puisqu'il la bat jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Enfin, d'ailleurs, il la viole hein, pour qu'elle tombe enceinte. Oui, parce que l'abattre juste avec celle tombe enceinte, c'est une technique que je connais pas, hein. Voilà. Non, mais il arrête de la battre quand elle tombe enceinte. Oui, Et toi, t'es là. j'ai compris, hein, mais. Et le problème, c'est que sa vitrée... Oui, je suis désolée, ça va être long, mais en fait, il faut vraiment entrer dans les détails pour comprendre tout ce qui se passe. Et en fait, sa vitrée va se retrouver enceinte d'une petite fille qui va mourir quelques heures après sa naissance. Elle va retomber enceinte d'une autre petite fille qui va mourir aussi quelques mois, non, quelques jours ou quelques mois après. Et en fait, tu te rends compte que c'est le... Il le dit pas directement, mais c'est au moment de sa mort à ce mec-là qui va confesser avoir tué ses deux filles, en fait, parce qu'il avait déjà eu des filles d'un précédent mariage et qu'il voulait pas repayer des dots et qu'il voulait absolument un fils. Donc Ah, ça... ok. Enfin, oui, c'est pas mal d'aborder cette problématique parce que c'est vrai qu'on en a tous entendu parler. Hein, ça a été une très grosse problématique en Inde. Ça l'est encore un peu aujourd'hui, mais moins parce que du coup, c'est devenu l'inverse. C'est devenu un déficit de filles. Enfin bref. Mais oui, au moins ça a été casé là-dessus. Mais là, tu te dis, mais juste cette trame-là entre ces deux-là, tu passes de genre la grande histoire romantique au drama total. Bah, juste ça, c'est clair que tu passes par toutes les émotions. Ah non mais totalement, surtout que c'est pas fini parce que elle va retomber enceinte d'un petit garçon cette fois, mais le bébé va mourir, genre mort-né. Et elle retombe une quatrième fois enceinte, cette fois c'est un petit garçon encore qui a l'air en bonne santé, qui est en vie. Sauf que le problème c'est que le mari il arrête pas de picoler et un jour il emmène son petit garçon au bureau qui est à côté d'une voie de chemin de fer. Et vu que le bébé, enfin que le petit garçon qui doit avoir genre 1 an et demi fait un petit peu des bêtises, il lui dit bon tu vas m'attendre dehors. Donc c'est très intelligent de laisser un enfant jouer tout seul dehors à côté d'une voie de chemin de fer. Et il est tellement, le père est tellement bourré qu'il s'endort. Quand il se réveille, il voit qu'il n'y a plus le petit. Et du coup, il va pour essayer de le retrouver. Sauf que le petit est sur la voie de chemin de fer. Le père essaye de le sauver. Bah, il n'y arrive pas et au final, ils meurent tous les deux. Necker. Sa vitrine, elle va revenir du côté de Madras chez l'ancien précepteur, qui lui dit Ah, j'ai des nouvelles de David, au fait, bah il est au Japon. Non, il n'est pas au Japon, il est à Singapour, pardon. Parce que là, à ce moment-là, on est dans les années 40. On est en pleine guerre, Deuxième Guerre mondiale, et en gros, elle, sa vitrine, va aller rejoindre David, qui entre-temps s'était marié avec une Anglaise. Mais attends, mais Et. il l'a cherchée ou il l'a pas cherchée? Non, c'est parce qu'il a su qu'elle était mariée et que du coup il Il a fallait qu'il fasse su sa en vie. fait. C'est ça en fait. Il s'est dit, bon bah tant pis, je vais faire ma vie quoi. Elle est remariée, je peux rien faire en fait. Et ils se retrouvent, ça fricote, ça couche ensemble, sauf que la guerre les sépare. Elle est tombée enceinte, donc elle est obligée de. En plus, le pire, c'est que lui, il lui dit, écoute, je vais divorcer de ma femme, de toute façon, j'en ai rien à foutre d'elle, et c'est toi que j'aime, c'est toi que je vais épouser. Mais les Japonais vont attaquer bientôt, donc il lui dit de prendre un bateau et de partir. Sauf que le bateau coule. Sa vitrine réussit à s'en sortir, à retourner en Inde. Mais David croit qu'elle est morte. Et les Japonais vont attaquer l'hôpital dans lequel David travaille et lui tirer dessus. Du coup, sa vitrine va croire que David est mort. Oh putain, mais c'est le destin de Lisa avec un Te jure. David. C'est ça. Sa vitrine va finalement accoucher d'un petit garçon qui s'appelle Nataraj. Et ce Nataraj, eh ben, c'est l'un des trois héros dont on parle dans le bouquin, qui est dans Talmil Nadu, là, sur la quatrième de couverture. Sauf que Mani, qui a retrouvé sa sœur, bah, va enlever le bébé et le foutre dans un orphelinat. Et il va faire la même chose avec son frère Gopal et Fiona, qui finalement se sont mariés et ont eu eux aussi un petit garçon, quasiment en même temps que sa vitrine. Il va aussi enlever leur petit garçon à eux et l'étouffer, en fait. Bah, mais c'est pas fait exprès, en fait. C'est un de ses complices qui l'étouffe, mais sans faire exprès, en Ouais, gros. parce que j'allais dire, il en garde un, mais il tue l'autre, quelle est la logique? Oui, non, mais voilà. Mais il fait ça juste pour se venger, en fait. Mais t'es là, mais putain, mais gars, t'es grave, quoi. Ça fait des années que cette histoire est passée. C'est bon, on passe à autre chose, quoi. C'est bon. Et en fait, il va. Savitri va chercher son enfant pendant, genre, 2 ans. Et un jour, elle va recevoir une proposition de mariage en Guyane britannique. Est-ce que là, ça te fait tilt un petit peu dans ta tête? Bah oui. Et avant de partir, elle va voir Manny pour lui demander quand même où est son fils et il va lui dire qu'il est mort. Voilà, il lui montre l'acte de décès. Ce qui fait qu'en fait, t'as vraiment plus rien qui retient Savitri en Inde et elle décide de partir en Guyane britannique. Et entre-temps, bah, Nataraj, donc n'est pas mort, hein, on sait que Manny a menti. Quand il a 4 ans, il est adopté par un médecin blanc. D'ailleurs, j'ai pas trop compris sur la quatrième de couverture. On te marque qu'il l'aime et le protège de ses propres démons. Et moi, tout le long du bouquin, j'étais en mode, mais quel démon, en fait? Il va très bien, il est assez équilibré, tout va bien. Et tu comprends au fur et à mesure du livre qu'en fait, l'homme blanc qui a adopté Nataraj, eh ben, c'est David qui Oh. n'est pas mort à la guerre. En fait, il savait pas, mais en gros, il a adopté son fils sans le savoir. Ah si, il savait que c'était son fils en fait. Parce que David, quand il est revenu donc, de Singapour, il est retourné en Inde, il a retrouvé Gopal et Fiona qui lui ont dit ce que Mani avait fait. Il est allé voir Mani pour le faire parler. Mani lui a dit, oui, en fait, c'est ton fils n'est pas mort, c'est celui de Fiona et de Gopal qui est mort. Donc bah, si tu veux aller le chercher, il est dans cet orphelinat là. T'es là. Et là, je me dis, mais pourquoi il lui dit ça en fait? Ça aurait été plus logique, plus raccord avec son personnage, de rien dire du tout. Bah oui, en fait, enfin, il y a plein de trucs. Enfin, tu te dis, bah, pourquoi ils l'ont pas dit déjà à Savitri? Et après, pourquoi David dit pas à son fils, bah, je suis ton père? Je sais pas, j'ai pas compris ça, mais bref. Donc David adopte Nataraj, et en discutant ensuite avec Gopal et Fiona, et avec son ancien précepteur, il apprend que Savitri est vivante et qu'elle est partie se remarier en Guyane britannique. Mais là, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que personne n'appelle Savitri pour lui dire « Ouah, David et ton fils sont vivants !» Juste au moins la prévenir. Ok, elle est mariée, elle s'est remariée, elle a d'autres enfants, mais je sais pas, quelqu'un pourrait lui dire, quoi. Et en fait, pendant tout le roman, on la laisse dans l'ignorance la plus totale. Et Parce moi, que j'étais là. attends, mais est-ce que du coup elle va en Guyane, elle se marie pour de vrai et elle fait des enfants? Oui, parce qu'elle croyait que David et Nataraj étaient morts en fait, donc elle a refait sa vie en fait. Ok. Alors en fait, je peux comprendre que en fait, le système du bouquin fait exprès de te pas te faire comprendre en fait les ficelles entre les uns et les autres et comme ça fait de la surprise. Mais du coup, quand tu le dis comme ça en termes de logique, tu te dis si tu sais que c'est ton fils, bah tu dis que tu es son père. Et puis si les autres savent où était le gamin, bah ils pouvaient peut-être le dire à sa mère. Et puis une fois Non, que il ne savait pas les autres en fait. Il pensait aussi que le gamin était mort. C'est après que David soit arrivé qu'il ait appris la vérité en fait. D'accord, mais du coup, tu te dis, bon bref, à partir du moment où le père et le fils sont réunis et qu'il pourrait lui dire, au fait, Nat, je suis ton père, et bah, il pourrait dire, coucou, on va peut-être chercher maman. Bah ouais, mais en fait non. Et en fait, t'as quand même. Au tout début, tu sais pas hein, que c'est David, son père. Mais parce qu'on l'appelle juste le médecin blanc ou le sahib. Et tu commences à avoir des petits indices parce qu'au tout début, t'as Nat qui reçoit un mec et son père lui dit, Ah, c'est l'oncle Gopal. Et là, tu lis les histoires de Savitri, tu dis, Putain, mais Savitri, elle a un frère qui s'appelle Gopal aussi. Tu te dis, c'est marrant, il y a beaucoup de Gopal dans ce livre. C'est ça. Et en gros, enfin, il va l'élever, Nataraj va aller en Angleterre pendant quelques années pour être médecin, sauf que vu que là, on commence à être dans les années 60, Nataraj va passer son temps à baiser des meufs et à négliger ses études, à faire plein de petits boulots par-ci par-là. Il va rester 8 ans en Angleterre avant que bah, l'ancien précepteur de son père, qui devait donc Henri et qui devait garder Savitri chez lui dans les années 30, viennent le chercher en lui disant ouais, comment tu peux tourner le dos à ton pays, à ton père comme ça, gna gna gna. Du coup, Nataraj, j'y retourne en Inde et là, il y a une prise de conscience en mode non, il faut que je sois médecin, je peux pas tourner le dos à l'Inde, c'est mon pays, ta ta ta ta ta ta. Et quand il va retourner en Angleterre, il va tomber sur Saroj. Et Saroj, en fait, c'est donc la fille de Savitri et d'un mec qui s'appelle Déoda Roy. Et pendant tout le long du roman, elle les appelle Ma et Baba, ce qui fait que à aucun moment au début, tu peux te douter que Ma, c'est Savitri, en fait. D'accord. Et en fait, Baba, donc son père, est hyper violent avec elle. Il est aussi raciste parce qu'en fait, en Guyane britannique, à ce moment-là, il y a apparemment beaucoup de personnes noires. Donc c'est un gros, gros raciste. Sauf que Saroj, qui commence à se rebeller un petit peu, elle devient amie avec une fille noire. Et donc ça se passe pas très bien. Son père la bat souvent. Et elle veut pas épouser le mec qui lui a choisi non plus. Bon bref, je te passe les détails et puis tout bascule le jour où Saroj a une espèce d'hémorragie et elle est transportée à l'hôpital en urgence. Donc là, ouais, on est au début des années 60 à peu près. Et Saroj, elle doit avoir genre 16-17 ans. Et en fait, elle entend sa mère discuter dans le couloir avec quelqu'un en disant au médecin, oui, c'est pas le même groupe sanguin, je sais qu'il peut lui faire une transfusion, bougez pas, je reviens. Et en fait, Saroj, à ce moment-là, elle se dit, oh, mais en fait, ma mère a trompé mon père, c'est pour ça que lui, il peut pas me faire une transfusion. Et elle est persuadée de cette idée-là, en fait, jusqu'au bout. Et du coup, elle en veut vachement à sa mère, elle va vivre chez sa pote, elle refuse de voir qui que ce soit, elle en veut énormément à la terre entière. Et sa mère est censée lui annoncer toute la vérité parce qu'elle a reçu une lettre d'Inde qui lui fait super plaisir. En fait, on apprendra plus tard dans le roman que c'est dans cette lettre qu'elle apprend que Nataraj et David sont vivants. Donc en gros, elle apprend cette nouvelle genre pas loin de 30 ans après. Oh là Et toi, là. t'es là, t'es là, mais putain, what? Ça, c'est du beau drama. Hein. Donc, genre, ça dure, ça dure, ça dure. C'est un bon drama. Hein. Ouais, mais je comprends pas pourquoi est-ce que personne n'est allé lui dire avant en fait, c'est assez incroyable. Et donc elle veut retourner Savitri veut retourner en Inde à ce moment-là pour revoir David et Nataraj, et elle voulait emmener Saroj avec elle. Sauf que il y a des Afro-Américains qui se révoltent aussi, enfin il y a plein de révoltes en fait dans toute la ville pendant ces années-là, et le feu est mis chez eux. Et Savitri va mourir intoxiquée par la fumée. Ah, mais elle retrouve jamais son mari et son gosse! Et non. Et toi, t'es là, t'es... Enfin, quand tu comprends que Ma, c'est Savitri, t'es là, t'es... Putain! Mais non! Ah non, la tristesse, non! Et en fait, Saroj, après, elle va retourner... Enfin, elle va aller faire des études en Angleterre. Elle va partir avec donc sa meilleure amie Trixie et son grand frère Ganesh. Bon d'ailleurs Ganesh et Trixie vont se mettre ensemble, hein, tant qu'à faire. Et donc un Attends, jour, Ganesh et Trixie, c'est qui? alors Ganesh c'est le grand frère de Saroj et Trixie c'est Ah, sa c'est sa meilleure meilleure amie. amie. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Et donc quand elle va arriver en Angleterre, elle va croiser Nataraj. Et là en fait, tel que c'est décrit, c'est le gros coup de foudre et tout ça. Alors que Saroj, pendant tout le bouquin, elle est en mode non, mais je me marierai jamais, je veux pas d'enfant non plus. Gnagnagna. La meuf, elle va jusqu'à se couper les cheveux à la garçonne parce qu'elle sait que c'est un atout de séduction. Elle déteste son corps en fait parce qu'elle aime pas avoir le regard des hommes sur elle, de sentir un peu le désir dans leurs yeux, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. Donc forcément, quand elle tombe sur Nataraj et commence à avoir des sentiments pour lui, et que voit que c'est réciproque, elle est en mode non, non, non, c'est absolument hors de question. Elle sait pas du tout qui c'est non plus à ce moment-là. Mais nous, à ce moment-là, quand on le lit, on sait qu'ils sont demi-frères et sœurs. Non. Ah, ok, donc il n'y a aucun moment où on peut se dire, mais attends, mais c'est en tant que personnage extérieur de se dire, mais attends, ils sont demi-frères et sœurs. Bah, j'avais des doutes, mais je me disais non, ça va pas être ça. Surtout qu'en fait, il y a Gopal qui est persuadé que Nataraj, c'est son fils à lui. En fait, il est persuadé que le bébé qui était mort, bah, c'était le bébé de Savitri et de David, et que le bébé qui est devant lui, c'était le fils qu'il a eu avec Fiona. Parce qu'en fait, entre-temps, Fiona, elle a perdu mais complètement la boule. Quand David va revenir de la guerre pour la revoir, elle est sur une chaise à bascule devant son ancienne maison à Madras, et elle porte une poupée dans les bras en disant: Oh, regarde, c'est mon bébé, et Ah tout ça. non, c'est creepy ça. C'est hyper creepy. La meuf a complètement perdu la boule en fait, mais en même temps, vu la vie qu'elle a eue, ça peut se comprendre. Ils ont tous des vies de merde, hein, on va pas se mentir. Ah oui. Et donc, bon, finalement, l'amour est plus fort que tout entre Saroj et Nataraj. Ils vont en Inde ensemble. Et Nataraj lui dit: Ah, je vais te présenter à mon père et tout. Parce que oui, Gopal, vu qu'il est persuadé que Nataraj est son fils, est allé voir Saroj pour lui dire: Ah, au fait, bah, je suis le frère de Savitri. Ta mère, elle m'a écrit parce qu'elle voulait que tu épouses ton cousin, mon fils. Donc Saroj est en mode I don't think so. Mais elle sait pas que c'est Nataraj à ce moment-là. Bref, ils arrivent tous en Inde. Et Savitri va donc rencontrer David, le père de Nataraj. Et là, elle va voir qu'il a une. Savitri, Saroj, tu veux dire. Non, non, attends, qu'est-ce que je dis? T'as dit... Saroj, oui. Oui, t'as dit Savitri, mais Savitri, elle est morte. Je m'y retrouve pas. Donc Saroj va en Inde avec Nataraj, dans le village où vit David. Et là, dans sa maison, elle va voir une photo de Savitri. Elle va lui dire: Ah, mais c'est ma mère! Et là, t'es en mode: Attends, c'est ta mère? Il y a quelque chose qu'il faut qu'on vous dise alors? Et donc, t'as David et son ancien précepteur, Henri, qui disent: Eh bien, écoutez, il y a de fortes chances pour que vous soyez demi-frères et sœurs. Sauf que eux, ils ont couché ensemble déjà. Oh putain. Et alors, ils pensaient qu'ils étaient cousins, hein, mais même en pensant que t'es cousin, c'est quand même dégueulasse quand même. Bref. Et bah Saroj est tellement désemparée par cette nouvelle, surtout que Nataraj il est en mode: Ah, mais c'est elle ma mère alors, putain, mais je vais tout savoir sur elle, raconte-moi tout, puis alors je suis ton vrai fils, c'est formidable. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien que tu sois pas vraiment mon père parce que ça veut dire que je viens de coucher avec ma demi-sœur et c'est un petit peu dégueulasse, alors je. Voilà. Et Saroj est tellement dégoûtée qu'elle va retourner en Guyane britannique. Et c'est là qu'elle apprend qu'elle est enceinte et elle va vouloir se faire avorter. Sauf que elle va dire: Ouais, je suis enceinte de mon frère. Et le médecin dit: Attends, t'es enceinte de Ganesh? Elle lui dit: Non, non, pas de Ganesh et tout ça. Et là, oh, révélation! Et ben, Savitri n'était pas la vraie mère de Saroj. Ouais. En fait, le père de Saroj, donc Baba, a eu une aventure avec une jeune servante du nom de Parvati. Et Parvati est tombée enceinte. Et là, Baba est donc allé voir Savatri pour lui dire: Oui, bah, j'ai couché avec la petite et puis elle est enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Et Savitri, qui est absolument une personne très généreuse, formidable, lui a dit: Ah, bah écoute, on va adopter le bébé, puis bah, la petite Parvati, on va pas la laisser comme ça, faut pas qu'elle ait la honte sur elle d'avoir eu un bébé hors mariage. Donc. Elle va rester auprès de nous, elle va jouer les nourrices pour sa vitrine en fait. Toi t'es là, t'es. Ah oui, meuf, t'acceptes quand même vachement bien ma situation. Hein. Généreuse hein, quand même pour une situation de merde comme ça. Et puis alors pour le demi-frère et la demi-sœur, enfin qui ne sont du coup plus frères et sœurs, tu vas dire oh bah ça tombe bien, dis donc. C'est ça. Et en fait, à la toute fin, bah, sa vitrine retrouve sa mère biologique. Qui lui explique tout sur le comportement de Baba, en fait, du père de Saroj. Et en fait, au départ, elle croyait, comme je t'ai dit, après l'hôpital, que sa mère avait trompé son père et qu'elle était la fille d'un autre gars. Mais en fait, non, le mec qui l'a battue pendant toute son enfance, c'est bien son père biologique. Et sa mère qui croyait être sa mère, c'est pas sa mère! Mais ils vont tous avoir des traumas en grandissant, hein. Bah, ça a pas l'air. Et en fait, donc sa mère biologique, Parvati, elle lui explique que. C'était trop dur pour son père d'avoir un petit peu son péché sous les yeux en permanence, donc c'est-à-dire l'Aïa Parvati. Et un jour, il l'a virée. Et en fait, il était très dur avec Saroj, plus qu'avec ses deux autres enfants qu'il avait eus avec Savitri, bah parce qu'elle ressemblait à sa mère, qui était très très belle. Parvati était très belle. Et il avait peur qu'elle devienne une tentation pour les hommes et qu'elle commette un péché aussi. Donc en fait, il lui interdisait de sortir, il a voulu la marier assez tôt, il la battait parce qu'elle se rebellait uniquement pour la protéger. Et toi, t'es là, t'es... Ça pue comme explication. Ça va pas du tout, hein. Ouais. Non, non, Et puis... en gros, c'est pas de sa faute, quoi. Quoi qu'il arrive, c'est parce que c'est elle qui est une tentatrice, et puis c'était son péché, rien, c'est pas de sa faute s'il est violent. Je crois pas, non. C'est ça. Et à la fin, dans l'épilogue, en fait, on se retrouve à l'enterrement de Fiona. Et donc, t'as Savitri qui est là, avec la fille qu'elle a eue, du coup, avec Nataraj. Il y a donc Henri, le précepteur, il y a David, et il y a Gopal, on sait même pas où il est. Il est même pas mentionné, alors que c'est quand même l'enterrement de sa femme, il est même pas là. Et en fait, j'ai trouvé que tout le monde avait l'air super joyeux à l'enterrement. J'ai vu ça, j'étais en mode, what? Pourquoi tout le monde a l'air d'être content en fait? Il y a une bonne ambiance, je sais pas, ils plaisantent entre eux, ils rigolent et toi t'es là, t'es mais enfin, mais. Alors. Qu'est-ce qu'on en a bien chié pendant notre vie, quand même! Alors je suis bien consciente que tout raconté comme ça, on a l'air de se dire, mais putain, qu'est-ce que c'est que ces rebondissements et tout, genre au feu de l'amour. Mais en vrai, quand on lit le truc, quand on est dans le bouquin, franchement, c'est tellement mieux. Non mais en vrai, bon, bien sûr c'est drama à fond, il y a des rebondissements partout, mais moi je trouve que enfin ça donne quand même envie, même s'il y a des trucs assez durs et des trucs assez tristes, tu te dis mais quand même, il se passe des trucs au moins, il y a du rebondissement. Mais voilà, et en fait, même si tu fais assez vite le lien entre certains personnages, t'es quand même hyper curieuse de savoir comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Parce que, en fait, je pense que l'autrice, elle a fait exprès de laisser quand même des indices parfois gros comme une maison pour que tu comprennes qui est affilié à qui et comment. Mais même si tu le sais, t'as quand même envie de savoir comment c'est possible et surtout de vérifier si ta théorie, elle est bonne. Bah ouais, en fait, t'as juste envie de voir le tableau final, voir les fils Ouais, qui se voilà. connectent, etc. Et dire, ah ouais. Mais après, n'empêche que la relation, tu vois, entre Saroj et Nataraj m'a un petit peu fait tiquer. Parce que Saroj a été en mode, je vais être indépendante, je vais faire des études, je vais travailler. Alors, elle y arrive à la fin. Après avoir donné naissance à sa fille et épousé Nataraj, elle continue quand même ses études pour être gynécologue. Ce que je trouve plutôt chouette, qu'elle s'arrête pas de travailler. Mais ouais, comme j'ai dit, elle était en mode rebelle. Non, je vais pas me marier, tout ça. Puis ah bah non, puisque l'amour lui tombe dessus, alors hop là, ça se marie. Et je trouve qu'il y a un côté un peu creepy à leur relation, parce que d'une certaine façon, ça reste quand même son demi-frère, parce que c'est pas sa mère biologique, mais c'est la mère biologique de Nataraj, et c'est quand même une femme qui l'a élevée toute sa vie, qu'elle considérait comme sa mère et que Savitri considérait comme sa fille. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais à partir du moment où être cousin, ça les gênait pas pour coucher ensemble, ne finalement pas partager de groupe sanguin, ça c'est la dernière des barrières quoi qui tombe. Ouais. Mais bon. Voilà. Mais oui, je comprends pour nous ce que c'est bizarre, c'est-à-dire que techniquement, son mari et père de son enfant, enfin, ils appellent tous les deux maman la même personne quoi. Bah oui, voilà, c'est ça qui est un petit peu creepy, quoi, mais bon. Ouais, bah c'est-à-dire qu'il y en a un finalement, il a pas vraiment que il a pas connu sa mère, elle a connu une mère qui n'était pas sa mère biologique, mais bon, c'est un peu tordu. Bon, ils auraient pu ne pas avoir de lien de filiation même adoptif, tu vois, parce qu'ils sont pas vraiment affiliés en termes sanguins, mais bon, en termes émotionnels, oui, quand même. Bah ouais, voilà, donc j'ai trouvé ça un petit peu chelou, mais bon, après, ça n'empêche pas que j'ai beaucoup aimé. Et puis je voulais dire un autre truc, et puis j'ai oublié. Ah Ouais, merde. voilà. Non, mais moi je comprends pas pourquoi ils n'ont pas tous fait une thérapie derrière, parce que putain, la vie de ouf. Non, oui, non, moi ce que j'ai pas du tout compris, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que personne n'a jamais dit à Savitri que David et Nataraj étaient vivants en fait? Parce que tout le monde le savait, genre son frère le savait. Pourquoi est-ce qu'il lui a pas écrit pour lui dire? Parce que t'as l'impression que c'était genre, ah bah non, elle a refait sa vie, maintenant elle a eu d'autres enfants, oh ça sert à rien de la tourmenter avec ça. Mais je veux dire, c'est horrible en fait parce que. On te dit en fait que Savitri, quand elle a eu la lettre, elle était super heureuse et soulagée et qu'elle voulait partir en Inde pour les voir, certes, mais ça voulait pas pour autant dire qu'elle allait abandonner son mari et ses enfants parce que tu sens que c'est une meuf qui est quand même un petit peu le sens du devoir. Mais pourquoi ne lui avoir rien dit? Elle aurait passé une vie quand même un petit peu plus joyeuse de savoir que même si elle ne pouvait pas être avec eux, au moins ils étaient en vie. Ouais, après il y a plusieurs options. Déjà, dans la vraie vie, personne n'est parfait, personne ne fait les bons choix, donc c'est un côté un peu, c'est plus naturel et plus crédible. En plus, ça te rajoute une certaine frustration en tant que lecteur, donc même si c'est rageant comme sentiment, ça te fait quand même éprouver quelque chose. T'as cette frustration du lecteur qui, ah, ils étaient à ça là, et puis finalement ça pourra pas se faire. Mais en vrai, c'est vrai, tu ne sais pas, elle aurait pu totalement la rendre ma boule, elle aussi, parce que je veux dire, c'est pas une nouvelle facile à accueillir, et tu te dis, mais peut-être qu'elle avait fait son deuil, qu'elle était passée à autre chose, et effectivement, ça peut être tout ton monde qui se réécroule, et ça peut être une catastrophe. Bon, et puis, c'est rajouter un peu de frustration. Ben ouais, mais moi j'aime pas ça, tu vois, quand t'as un couple qui s'aime si fort et qu'au final ils sont pas ensemble. Moi j'étais hyper frustrée parce que tout le long du roman j'ai quand même espéré et tout ça. Puis quand j'ai vu que Savitri mourait, j'étais en mode putain! Mais ça ferait trop une bonne série ou un bon film. Ah, mais totalement, totalement. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris non plus en relisant le résumé, tu vois, c'est que, ouais, il y a un émouvant canal dans lequel se mettent trois époques, trois continents et trois histoires d'amour, mais au final, t'as que deux histoires d'amour, mais bon, après, je suppose que c'était pour garder le secret. Les trois histoires d'amour, bah tu peux avoir Saroj, Nataraj, David et Savitri, et puis c'est Gopal et Fiona. Ouais, mais ça compte pas tellement que ça dans le bouquin, hein, en vrai. Peut-être. Et Mais ouais, si, oui. oui. un autre truc aussi, genre, ouais, les démons de Nataraj, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on parlait de ça dans le résumé, parce que le mec, comme j'ai dit, est quand même assez équilibré. Enfin, vu son contexte familial, tu sens que quand il est petit, il a peur d'être abandonné, que son père ne l'aime plus ou qu'il le donne à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas. Ça va, quoi. Donc ses propres démons, moi je m'attendais vraiment à un mec ultra torturé, genre ça va pas et tout, ultra dark et au final absolument pas. Donc voilà. Ok. Et si tu nous lisais un petit passage? Eh bien oui. Alors je suis désolée, j'ai énormément parlé, hein, mais. Non, mais écoute, franchement, en même temps, il y avait plein de rebondissements. C'est pas comme le mien, hein, il n'y avait pas un milliard de trucs à raconter. Mais non, c'est bien. Et je me dis, ah ouais, je veux trop une adaptation en série. Ça doit être trop bien. Pour bien vraiment explorer tout le truc, il vaudrait mieux que ce soit en série qu'en film. Ou alors, ça me fait penser aux sagas de l'été. Tu sais, les téléfilms TF1, les sagas de l'été, avec que des trucs comme ça me fait ça m'évoque un peu ça, les trucs que t'aimes bien suivre, avec plein d'intrigues et tout. Mais c'est vrai que ça, si c'était adapté, ça pourrait être trop bien. Alors, est-ce que tu es prête? Oui. Savitri avait mis deux enfants au monde, Indrani et Ganesh. Puis, il se passa quelque chose. Elle lisait sur le visage de son mari comme dans un livre ouvert, et la culpabilité y était inscrite. Elle aurait voulu qu'il se confesse, mais c'était trop espéré. Finalement, pourtant, il fut obligé de lui parler de la belle et jeune Parvati, pauvre comme une souris, dont la mère, veuve depuis un an, était venue le supplier de l'aider. On n'a plus rien, Mr. Roy, rien du tout, se lamentait la femme. Déoda s'était alors caressé la joue en les regardant, elle et sa fille. Qui vous a dit de venir me voir? Pourquoi vous adressez-vous à moi, plus particulièrement? Mon pauvre mari, il parlait toujours de vous. C'était votre cousin au second degré. Il disait qu'il jouait avec vous quand vous étiez petit. Comment s'appelait votre mari? Ram Verasamy. Déoda réfléchit et la mémoire lui revint. C'était en effet de lointains parents, mais Verasamy était parti à New Amsterdam et ils avaient perdu le contact. En effet, il avait entendu dire qu'il était mort, mais il n'était pas allé à l'enterrement. Toutefois, la solidarité familiale lui imposait de faire quelque chose. Il fit revenir la mère et la fille à Georgetown, les installa dans une maison en location, trouva un emploi de femme de ménage à la mère, s'assura qu'elles avaient de quoi se nourrir et se vêtir, et tomba amoureux de la fille. Amoureux fou. La tête basse, il avoua tout à Savitri. Elle sourit, et tandis qu'il pleurait, elle posa la main sur la sienne, pardon, en signe de pardon. Ce n'est pas grave, tu n'es qu'un être humain, un homme. Les hommes sont faibles dans ce domaine, ce n'est pas grave. Mais il y a autre chose, déclara Déoda, incapable de la regarder en face. Parvati attend un enfant de moi. Ils restèrent tous deux sans parler un long moment. À la fin, Déoda dit d'une voix mal assurée « Tout est de ma faute, il faut que je répare mes torts. Je ne peux pas la laisser avec un enfant né hors mariage. Les gens les traiteraient, elle et l'enfant, comme de la vermine. Aussi je me disais, je me suis demandé, j'ai toujours souhaité avoir une famille nombreuse, avoir d'autres enfants, mais j'ai compris, dit Savitri. Elle savait qu'ils n'auraient plus d'enfants ensemble. C'était comme ça depuis la naissance de Ganesh. Tu veux donc que nous adoptions cet enfant? C'est bien ça. C'est quelque chose de terrible, a demandé à sa femme. Quel affront pour toi. Mais Savitri se contenta de rire. Ce n'est pas un affront. Je le ferai avec joie. Mais as-tu pensé à la mère de cet enfant? Tu veux lui prendre son bébé? Est-ce que tu te rends compte que c'est une chose épouvantable? Voilà. Je m'arrête là, sinon je pourrais encore continuer. Ouais, Savitri, c'est Mère Teresa, quoi. Ah non, mais totalement. En plus, et la meuf, enfin, elle a un cœur en or, quoi. Ouais, alors d'un côté, tu te dis, ok, tu peux te dire, ok, elle aussi, elle a vécu une grande histoire d'amour, elle a eu un enfant et tout, donc forcément, quand en face, le mec lui dit, bah voilà, j'ai craqué sur une femme, j'en suis tombé amoureux, mais je lui ai fait un enfant, elle peut se dire, ok, j'ai vécu la même situation, je peux comprendre et tout, mais d'être là en mode, oui, mais bon, ça c'est un truc d'homme, hein, de craquer, de faire des enfants, oh bah, on s'y habitue, hein. Tu dis, mais quoi? Mais non. Mais oui. J'avoue, quand j'ai lu ça la première fois, j'étais en mode attends, comment ça? Genre, c'est normal alors, tout va bien Oh, okay. Mais oui, il y a donc Tola. Oh, et puis d'ailleurs, il faudrait mettre la mère en sûreté et tout. Tu es un peu beaucoup trop philosophe. Non, mais la meuf est hyper généreuse, hein, c'est clair. Ben écoute, merci pour cette lecture, merci pour nous avoir raconté cette palpitante aventure qui donne quand même très envie d'être lue, parce que même si on sait à peu près le tableau, d'ici là je vais forcément oublier, et tu te dis mais ça donne quand même vraiment envie de voir comment c'est fait, et puis finalement de s'amuser à chercher les indices qui t'amènent au tableau final, donc ça reste hyper intriguant. Mais oui, c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, dit comme ça, t'as que des rebondissements de ouf, et tu dis, oh là là, mais ce drama, mais en vrai, quand tu lis comme ça, c'est vraiment top. C'est vraiment un bouquin que j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que tu t'attaches pas mal au personnage, puis t'as quand même des petits passages un petit peu féministes, notamment grâce au personnage de Saroj, donc c'est plutôt cool. Bon, bah tant mieux. Eh ben écoutez, on en a fini avec ce hors-série, on vous aura fait le retour de nos deux lectures d'été. Donc on vous rappelle, hein, c'était Noces indiennes avec Sharon Mas et puis l'attaque du Calcutta Darjeeling avec Abir Mukherjee. Voilà, on espère que vous avez apprécié nos retours sur ces deux petites lectures qui restent dans notre thématique indienne et que ça vous aura plu. Sinon, eh ben écoutez, on se retrouve bientôt puisque il va y avoir le lancement de la saison 2 de Bollywood Versus. On va revenir pour cette rentrée avec des nouveaux films, des découvertes, des critiques, beaucoup de critiques. Sans vouloir trop spoiler, voilà, des petites entorses aussi au règlement, en allant des fois pas forcément sur des films vraiment bollywoodiens. Bref, vous découvrirez tout ça. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Et puis, on vous dit à la prochaine. Oui, merci à tous. Et puis, lisez Noces indiennes. À bientôt. जन्म जन्म जन्म साथ चलना ही तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं